contre l'adoption de la résolution de sanctions au Conseil de sécurité de l'ONU sous prétexte de l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire de notre République, l'Association russe d'amitié et de coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée a publié une déclaration. Alors que le président du Parti socialiste béninois et le président de la succursale de Dnepropetrovsk de l'Association d'études des Édutés d'Ukraine et Paix de Sungun, respectivement, un entretien. Les déclarations et entretiens ont noté que cette résolution de sanctions élaborée sous la manipulation américaine a montré une fois de plus que le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a pour mission d'assurer le droit indépendant et le droit à l'existence de ses pays membres, est une organisation incapable.